Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours en ligne sur l'économie du document. Le cours est ouvert, c'est-à-dire que la quasi-totalité de son contenu et de ses interactions sont accessibles à tous les intéressés. En même temps, il s'agit d'un cours à option de la maîtrise en sciences de l'information de l'Université de Montréal et aussi un cours à option du master en architecture de l'information de l'École normale supérieure de Lyon. Il s'agit donc d'un cours transatlantique. Un cours en ligne, c'est toujours une aventure. Une aventure pour vous d'abord, qui allez le suivre sans que nous nous rencontrions jamais, et donc vous devez faire preuve d'une autodiscipline et d'une obstination forte, beaucoup plus forte que celle d'un cours en présentiel. Mais c'est une aventure aussi pour la petite équipe qui travaille avec moi à sa mise en ligne, Pierre Bénèche à Lyon et Martin Bélanger à Montréal. Une aventure d'autant plus risquée et passionnante que vous êtes cette année fort nombreux à être inscrits, entre 50 et 60, et même que nous ignorons combien d'internautes suivront librement, tout ou en partie, le cours. Et c'est encore plus une aventure car les outils évoluent et permettent des interactions de plus en plus fines, autorisant des échanges fournis entre vous, entre pairs, entre vous et moi, et en même temps vous permettant une personnalisation de ce que vous les allez retenir et enregistrer. Nous avons choisi pour cela les outils qui nous paraissaient les plus simples, les plus intuitifs et accessibles à tous, inscrits ou non inscrits au cours. Au-delà de la tenue de ce cours, dont nous espérons évidemment qu'elle vous sera la plus profitable, nous devons aussi tirer les leçons de cette expérience pour la prochaine édition du cours et aussi plus largement pour les collègues qui souhaiteraient se lancer dans des sessions comparables. Une équipe extérieure donc va suivre le déroulé des interactions et il vous sera peut-être proposé de répondre à quelques questions dans un entretien une fois que le cours sera terminé. Bien entendu, j'insiste là-dessus, il n'y aura aucune relation entre l'évaluation de vos travaux, celle des étudiants inscrits bien sûr, qui fera l'objet d'une notation et de l'octroi de crédit, et l'autre évaluation, celle du dispositif du cours, qui se fera par une équipe indépendante. Il s'agit de processus totalement séparés. Chaque semaine, vous trouverez sur ce site les billets qui contiennent le matériel de la semaine et vous proposent les exercices à réaliser. Outre les exercices qui vous seront demandés, il vous est fortement conseillé de prendre régulièrement des notes. Pour cela, nous vous proposons un fichier dédié que vous pourrez télécharger. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est un plus car ce fichier pourra être intégré automatiquement dans l'archive du cours qui vous sera proposé à la fin de chaque semaine. Les billets correspondant à la semaine sont siglés. Pour cette semaine d'introduction, ce sera S0, la semaine prochaine S1, la suivante S2, etc. Si vous avez des interrogations supplémentaires, vous pouvez utiliser le forum à votre disposition sur Studium pour les étudiants qui sont inscrits, ou même les commentaires sur ce site pour ceux qui ne seraient pas inscrits. Je vous souhaite donc une bonne découverte et au plaisir de partager avec vous pendant quelques mois cette aventure sur l'exploration de l'économie du document. À très bientôt.